pour moi d'utile et ça nous fait de l'effet d'être des Français, de voir les soldats. On pense à la Bastille et toute la famille, les yeux qui brillent et le cœur en vrille, on adore ça. Les soldats passent, on les embrasse, ça les délasse de leur bardard. On dort en chien de fusil, couché dans nos lits avec des képis qu'on garde la nuit, ça c'est la vie. On se réveille au clairon, et lorsque tonton joue la madelon, madame est servie, le couvert est mis. J'approuve mes parents, et comme je me sens l'enfant de la patrie. Mais au défilé, on ne peut pas danser, c'est le seul ennui. Et je propose à la terre entière de m'améliorer les bonnes manières, d'encourager la vraie chorégraphie. Utiliser le trombone au lieu de ces marches monotones, chantons les armées quand un automne s'assit. As-tu connu Pipo qui moderato danser le tango en gros godillo, voilà la vie. Le tango militaire, de pas en avant, de pas en arrière, les doigts en l'air, nous y voici. Sur les Champs-Élysées, à nous voir passer le public pressé, sentant lui monter la frénésie. Patriote et sensuel, ce tango cruel, crêcher les donzelles, un trouble charnel, une vraie folie. Les soldats passent, la foule en masse, courent sur leurs traces, au même pas. Le tango militaire, connaît pas frontières sur toute la terre, son rythme de fer mène le jeu. Depuis le nouveau-né jusqu'au vieux pépé, on attend charmé d'être mobilisé pour le danser. Voilà, bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je suis venu à la Maison de la Paix parce que j'ai vu une lettre passer, une lettre ouverte de Agir pour la Paix. Une lettre ouverte aux négociateurs travaillant à la Constitution et au programme du gouvernement de la communauté wallonne. Donc, là je me dis quelque chose. En fait, c'est pas la Fédération Wallonie-Bruxelles à qui il faut s'adresser. Oh. Enfin bon, c'est un détail. En tout cas, c'est parce que on a entendu qu'il y a des plans pour créer une nouvelle option dans les écoles secondaires, notamment l'option sécurité militaire, je ne sais pas quoi, enfin un métier d'avenir. Elle n'a pas encore de nom, mais... Elle n'a pas encore de nom. Mais en tout cas, on parle de ça, ou il y a des gens qui parlent de ça. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'histoire exactement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Alors, ça n'existe pas encore, donc on est à l'état de des discussions et de projets. Donc, a priori, ce qui se dessine, c'est effectivement une volonté affichée de la défense d'être présente, très présente dans les écoles secondaires en termes de formation qu'elle pourrait proposer aux élèves de fin de secondaire. Pour les amener vers un métier lié à la question de la sécurité et de la défense, mais on parle bien des militaires. Il y a effectivement notamment déjà des 7e professionnels, ce genre de choses, liés au métier de la sécurité, pour des gens qui veulent devenir travailler pour des sociétés de sécurité privées. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. Et donc, ce sont des personnes qui font une année supplémentaire, comme on appelle ça, une 7e année, où ils sont formés au métier de la sécurité privée. Avec, ça va de comment faire de l'autodéfense, comment on se comporte vis-à-vis des gens dans un contexte un public et que les choses ne se passent pas bien, à la réglementation, qu'on a le droit de demander, de ne pas demander, de comment on doit faire. Enfin, voilà. Et donc, quand ils sortent de cette année-là, ils sont censés être plus ou moins prêts pour postuler dans les sociétés de gardiennage, etc. Donc ça existe. Mmh. Ça existe. Mais ici, on est dans autre chose. On est dans des gens qu'on amènerait vers les métiers de la défense. c'est-à-dire des métiers où on est armé et où on est formé pour aller faire la guerre. Dans les faits, c'est ça. On peut tourner les choses dans un français qui enrobe les choses autrement, mais dans les faits, c'est ça. Et ça nous semble complètement incongru et totalement disproportionné de proposer comme métier d'avenir à des jeunes d'aller éventuellement se former pour tuer d'autres personnes à l'étranger. Parce que c'est ça. Les métiers de la défense, c'est quand même globalement être prêt pour aller faire la guerre lorsque les États-Unis, l'OTAN, en ont besoin et le demandent. Et ça veut dire aller tuer des gens en Syrie, en Libye, en Afghanistan, assez loin d'ici en tout cas. C'est quand même interpellant de former des jeunes qui ne sont pas encore adultes à cette idée-là. Et quelle est la place que l'on laisse à la formation à la paix? Où est-elle? Moi, je ne la vois pas. Mmh. En tout cas, si elle est dans les projets des formateurs actuellement, Agir pour la paix ne l'a pas trouvée. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que quand on forme des gens avec une formation liée à la défense, on ne les forme pas à la paix, on les forme à la guerre. Et il faut bien faire attention au discours que l'on entend, que l'on utilise, aux mots que l'on utilise, parce que la défense se présente souvent comme « Non, non, nous, on est là pour assurer la paix. » Mais non, la paix, c'est pas la défense. Non, la défense, c'est déjà c'est défendre un pays, tu vois, c'est pas aller très loin. Avant, on disait le ministère de la guerre, hein, c'était oui, plus ça s'appelait comme ça, exactement. Au moins, ça avait l'avantage de la clarté. Mm-hmm. Ici, c'est plus du tout le cas. Donc, ça brouille les frontières, et donc ça rend les choses moins intelligibles, moins lisibles. Et donc ça permet aussi de faire un pas plus loin, de passer des métiers de formation à la sécurité privée vers des métiers de formation à la guerre. Et donc on peut aussi se demander, est-ce qu'on va mettre des armes dans les mains de jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs? Est-ce qu'on va leur apprendre à tirer? Avec quoi? Et au nom de quoi? Sachant que leur formation, même intellectuelle, n'est sans doute pas terminée à cet âge-là, ce qui est totalement normal et logique. Et est-ce que c'est comme ça qu'on veut les former intellectuellement? Oui, en tout cas, moi je peux encore m'imaginer, si on parle par exemple d'une formation pour les entreprises de sécurité. En sécurité privée. Il y a une réglementation à apprendre, il y a plein de choses à apprendre, gestion de conflits, je ne sais pas quoi. Exactement. Mais les militaires, qu'est-ce que tu peux apprendre comme militaire? C'est tirer avec un fusil. En gros, c'est ça. Hein? C'est ça. Et alors, dedans, apparemment, de ce qu'on en sait, parce que ce sont des bribes, hein? C'est pas des choses très claires que l'on sait encore. Et a priori, on parle de leur apprendre à lire une carte, à se diriger avec une boussole, ce genre de choses. Et ça, je pense qu'on l'apprend au scout. Donc, voilà. Donc, moi, je veux bien une formation scout pour la fin de secondaire. Ça ne me dérange pas. Mais c'est très problématique, effectivement. Est-ce qu'on pense à lier la question des métiers liés à la défense avec la question des métiers liés à la police? Qu'est-ce qu'on fait des pompiers, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait des métiers... qui sont liés à la sécurité des personnes? Et Dieu sait si les pompiers sont liés à la sécurité des personnes. Et eux, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de formation? Pourquoi ne seraient-ils pas inclus? Ouais. Là, ça aurait du sens. Là, ça aurait vraiment du sens. Ouais, comme des cours de premier secours, des choses comme ça. Tout à fait. Et ça se fait déjà aux écoles, hein? Oui, ça se fait, mais on ne parle pas d'une formation qui se fait en quelques jours, pendant les jours blancs d'après-examen. Ici, on parle d'une formation complète. Enfin, en tout cas, d'une formation longue et complète des étudiants. Est-ce qu'on parle d'une tranche d'âge? On parle de fin de secondaire. Hein. On parle de fin de secondaire. Donc c'est bien dans l'idée quand même de former les gens à un futur. C'est pas en première secondaire qu'on envisage de leur donner une formation à la défense. Ils ne vont pas s'engager en première secondaire. En tout cas, il faut espérer. Mais donc, c'est bien dans le cadre, en leur présentant ça comme étant une formation possible, future, un métier d'avenir. On sait que la défense n'a pas suffisamment de personnel. il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'engagent pour travailler chez eux, et on sait que c'est un très gros problème. Et donc on sait qu'ils recrutent déjà fort dans les écoles, c'est-à-dire qu'ils répondent déjà à un certain nombre d'invitations qui se font au cas par cas de la part de certaines écoles en fonction du pouvoir organisateur ou du préfet, du directeur de l'école qui en aurait envie et qui invite la Défense à venir expliquer son travail dans certaines classes à certains moments de l'année. Ça se fait déjà. Oui. Et c'est pas cadré. Et ça veut dire que là non plus, donc si ce n'est pas cadré, il n'y a pas de contrepoids à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoirement, alors s'il y a une journée consacrée à la Défense, une journée consacrée au métier de l'humanitaire, ou au métier de pompier, de ce genre de choses. Ça aurait du sens. Alors, moi, je veux bien, dans ces cas-là, qu'on présente les deux versants de la médaille. Ça me semble être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus formateur qu'un seul. Oui, je me souviens, dans les années 80, quand j'étais objecteur de conscience, je suis venu ici pour une formation. Ouais. Puisque les miliciens avaient droit à leur formation de 6 semaines, et ici il y avait juste une journée à la Maison de la Paix, je me souviens très très bien. C'était un peu du n'importe quoi, mais c'était quand même. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose que du n'importe quoi, parce qu'il y a vraiment moyen d'en faire un chouette moment et un moment extrêmement intéressant et de vraies découvertes. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment trouver leur voie. Dans cette optique-là, clairement. Mais et une journée, si, ça court pour ça. Oui, ça, on est d'accord, évidemment, on est d'accord. Mais c'est quand même mieux de savoir que ça existe que de ne même pas. Parce que l'école, c'est ça. L'école, c'est quand même bien. L'idée de l'école, c'est quand même bien d'ouvrir des portes. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont plus loin, ils passent le pas de la porte et ils continuent leur chemin, ou ils le font pas. Mais ouvrir les portes. Parce que ce qui semble être une évidence, c'est que tout le monde sait qu'il y a effectivement des métiers qui existent dans l'humanitaire, dans le civil, etc. Et en fait, non, il y a des tas de gens qui ne le savent pas forcément, ou qui ne voient même pas comment on pourrait y entrer, et donc qui n'envisagent pas d'y rentrer. Et donc si effectivement à ceux-là, on leur dit que la seule façon d'assurer leur avenir, c'est de le faire dans l'armée, oui, s'ils n'entendent que ça autour d'eux, il est très possible qu'ils le croient. Ce qui me semble être normal. Oui, aussi, tu es dans une région où il y a peu de travail, des choses comme ça. Ouais. Absolument, c'est totalement, ouais. C'est totalement compréhensible, hein, totalement. Mais c'est grave, hein, parce que c'est un vrai choix de société que l'on fait. Si on décide de mettre ça au programme, et donc d'imposer ça au programme des étudiants, des élèves, c'est un choix de société important. C'est de dire aussi, si ce sont des métiers liés à la sécurité, qu'est-ce qu'on fait des pompiers, qu'est-ce qu'on fait des ambulanciers, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là, ils ne sont pas liés à la sécurité. Est-ce que la sécurité des personnes, c'est quoi par rapport aux prisons? Est-ce qu'on va former les gens à devenir gardiens de prison? Et est-ce qu'on va leur expliquer ce que c'est que la prison? Et comment la Belgique, puisqu'on est en Belgique, est-ce qu'on va aussi leur expliquer aujourd'hui comment la Belgique viole les droits des prisonniers quand elle les enferme dans des cages qui sont beaucoup trop petites par rapport au nombre de personnes qui y sont, avec des rats. Enfin, je veux dire, on connaît les conditions de certaines prisons actuellement. On sait qu'il y a eu plusieurs rapports déjà qui dénoncent les conditions d'enfermement. Et donc, on n'assure pas la sécurité des personnes de cette façon-là, et on n'assure pas la sécurité de la société en enfermant les gens de cette façon-là non plus. On enferme les gens comme des animaux, on en fait des animaux. C'est aussi la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le mot sécurité? C'est quoi le mot sécurité? C'est très intéressant comme question. Ah oui, c'est une vraie... je pense que c'est fondamental. Alors, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans ce projet, les formateurs. Je ne sais pas s'ils vont en sortir avec un projet fini ou pas. Mais en tout cas, j'espère que si c'est le cas, si effectivement il y a un aboutissement dans le futur accord de gouvernement wallon, qu'au moins il y ait une définition de ce que c'est que la sécurité, pour qu'on puisse se positionner sur cette question-là. En fait, je pense que le mot sécurité, mais ça c'est mon interprétation, je pense que le mot sécurité a été inventé ou a été mis en place pour contourner la dichotomie, tu vois, entre guerre et paix. Oui. Guerre et paix, ce sont des trucs... On peut toujours essayer de mettre un peu de paix dans la guerre, ou mettre un peu de guerre dans... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on parle de sécurité, on s'en fout s'il y a une guerre ou s'il y a de la paix. C'est la sécurité qui compte à ce moment-là. Et cette notion de guerre, ça s'effrite. Comme oui. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on préfère présenter l'armée en étant... qui va faire des opérations quasi-humanitaires... à l'étranger, sous l'égide de l'ONU, ce qu'elle fait parfois, hein, les casques bleus, etc. Et c'est très respectable. Mais l'armée, c'est pas que ça. Mm-hmm. Et donc c'est faux de dire que c'est que ça. Et donc dire qu'on est casque bleu et qu'on défend la paix, je peux le concevoir. Même si on a une arme en main, je peux le concevoir. Mais je peux pas concevoir qu'on propose de faire la paix avec des jeunes, enfin à des jeunes, avec... des mitraillettes en main et des fusils de FNRSTAL ou de Dieu sait où, quoi. La novlangue. Oui. Ouais, ah oui. Ouais. Mais c'est important ce qu'on met dans les mots. Oui, oui, oui. Et dis, est-ce que vous avez eu une réponse à la lettre? Alors, on a reçu quelques réponses. Pas énormément, mais on a reçu quelques réponses, oui. Mais je ne citerai pas... Ouais. Ah oui, c'est sensible pour l'instant. Bah, ouais, disons que... Bon, personne n'a demandé le secret, mais je pense que c'est pas opportun, en tout cas, parce que ça peut être vu à la fois comme de la publicité pour un parti mm-hmm. ou pour des partis. Et donc, selon que l'on se tient d'un côté ou l'autre de la ligne, ça peut être mal interprété. Donc, c'est pas une bonne idée de jouer à ça pour le moment. Mais on a reçu très peu de réponses, par contre. Et ça, c'est indicatif de quelque chose, je pense. Mm-hmm. Le fait que, quand on prend la peine de vous répondre, ne fût-ce que de dire « on a bien reçu votre courrier » et on le prend en compte, après ça vaut ce que ça vaut, c'est important quand même. Et quand on en arrive à nier, alors c'est l'été, c'est les vacances, tout ça, mais ces formateurs, ils sont pas en vacances, donc quand on en arrive à nier ce genre de courrier, qui en fait est juste un appel à dire « oh, faites attention à ce que vous faites là, il y a d'autres choses à envisager », et quand on nie ça, c'est aussi un choix que l'on fait, clairement. Voilà, c'est très interrogatif, je trouve, vraiment. Ouais, mais bon, on verra ça avec la formation du gouvernement. Ah oui, on attend de voir ça, oui, on attend de voir ça. Et oui, et Agir pour la paix, comme un certain nombre d'autres associations ou d'autres groupes, j'en suis sûre, serait très heureux de participer à donner la bonne information, en tout cas une autre forme d'information aux étudiants, aux écoles qui le désirent, parce que ça fait aussi partie du rôle de l'associatif de façon générale, et faisons-le. Alors, alors on peut jouer à armes égales, et armes avec les guillemets, tous les guillemets possibles, mais jouons avec de l'argumentation, et faisons réfléchir les gens, mais ne leur imposons pas ça comme étant quelque chose de normal dans une formation scolaire. Ok. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, préparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours aux amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins. qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci, au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde. Ça c'était la pause. Pause musicale. Faut imaginer la musique. Ah oui. J'ai vu dans vos courriers que ce week-end vous organisez une formation avec le thème de, enfin, sur l'industrie de l'armement. Le thème c'est désarmons-les. C'est pas l'industrie de l'armement, c'est désarmons-les. Alors oui, c'est lié évidemment à l'industrie de l'armement, mais ça veut dire c'est plus. Souvent on parle de désarmement nucléaire. On parle de violence policière, on parle de la militarisation des frontières, mais on a rarement une vue globale de la militarisation de la société, parce que c'est très large et que c'est très complexe, et que souvent on essaye d'aborder les choses de façon un peu plus ciblée pour les rendre plus intelligibles, plus facilement intelligibles pour les gens, pour pouvoir rentrer dans quelque chose et avoir aussi l'impression de donner... enlever cette impression qu'ont les gens qui n'ont aucun pouvoir sur cette chose bizarre qu'est la société et qui fonctionne finalement avec ou sans eux, voilà, dont les choses se décident en dehors d'eux la plupart du temps. En tout cas, c'est l'impression qu'ils en ont. Et donc, on essaye de cibler les choses. Ici, on s'est dit que puisqu'il y allait y avoir d'ici deux semaines, allait se tenir à Londres la DSEI, donc la... une des plus grandes foires, un des plus grands salons de l'armement au monde, qui se tiendra pendant 4 jours à Londres, et pendant lesquels, en tout cas juste avant laquelle, il y a une semaine d'action organisée par des antimilitaristes en Angleterre, et qui est une façon de rappeler justement que c'est un tout, la militarisation de la société. Et on s'est dit qu'on allait profiter de ce moment-là, qui en vaut un autre, pour justement parler... des salons de l'armement, ce sont des moments particuliers où c'est comme quand on va au Wesel voir Cocoon, ou bah, Thibaut, ou autre chose, un autre salon. On est là avec sa barbe à papa ou sa gaufre, et on passe d'un stand à l'autre, on prend les prospectus, et on imagine des choses, et puis on rentre chez soi avec, et c'est ça, un salon. Ben, ça, c'est exactement la même chose, mais sauf que les gens qui ont la possibilité d'y rentrer, ce sont des gens qui sont sélectionnés, donc ce n'est pas ouvert au grand public. Et ce sont des États, des représentants de sociétés, des armées du monde entier qui ont accès et qui vont sur catalogue et sur place voir les tanks, les chars, les mitraillettes, les munitions, ils vont pouvoir les toucher, voir des démonstrations en vol d'hélicoptères, des bateaux, enfin, tout ce qui est imaginable, c'est la réalité des choses, et qui vont pouvoir finalement faire des commandes, passer des contrats, rencontrer des gens, ou préparer des contrats qui se passeront un peu plus tard. Ça, c'est quand même inouï, je veux dire... Voilà, et donc ça se passe à Londres. Alors il faut savoir que à Londres, comme dans un certain nombre de pays européens, il y a une contestation importante contre la vente d'armes fabriquées en Angleterre, non, mais Yémen, aussi dans d'autres pays, vers le Yémen, effectivement, vers l'Arabie Saoudite, mais par rapport au conflit au Yémen, qui a une décision de justice pour le moment qui empêche les ventes d'armes de continuer, les ventes d'armes anglaises de continuer vers l'Arabie Saoudite. Pour le moment, en tout cas, tant que l'appel n'a pas été fait. Et l'Arabie Saoudite est un grand invité, cependant. De... MBS. Eh oui. Eh oui. C'est la réalité. Et donc, il y a ce jeu très malsain qui est là tout le temps entre la légalité, on sait que c'est illégal, ok, on en est très conscient, on n'est pas idiot, et en même temps, on vend quand même parce qu'on s'en fout, parce qu'on sait que d'abord, on a la main, on a la possibilité de le faire, et il y a trop d'argent en jeu que pour qu'on ne le fasse pas. Alors ça, c'est l'évidence. Je veux dire, ce qui se passe au Yémen, avec ce qui est la plus grande crise humanitaire au monde, avec ce conflit illégal, voilà, c'est facile de parler de désarmement dans ces cas-là, parce qu'on sait que la vente d'armes, elle est illégale. Alors, quand on parle, par exemple, de la police et des violences policières, c'est autre chose. Parce qu'on sait que la police, elle est armée de façon légale. Elle a le monopole de la violence légitime, c'est ainsi dans les États dits démocratiques, hein, voilà. Et donc, les armes dont elle dispose, que ce soit chez nous ou en France, par exemple, alors je prends les deux parce que les deux pays sont culturellement assez proches, mais en matière de police, ils sont très différents, historiquement et aussi en matière d'armement. Ouais. On ne parle pas de la même chose, il suffit de voir comment sont réprimés les mouvements sociaux en France depuis quelques années. En Belgique aussi, ils le sont, mais ils ne le sont pas avec les mêmes armes, ça fait quand même une différence. Et que ce n'est pas parce que ces armes sont légales qu'elles ne sont pas contestables. Et jusqu'à quel moment est-ce qu'on peut considérer que c'est légal pour un État d'éborgner un certain nombre de personnes quand ils vont manifester? Ou de les blesser gravement, voire de les tuer, sans avoir a priori à rendre de compte, ou très peu de compte, sur les agissements de ces polices. Ça aussi, ça fait partie de désarmons-les. Jusqu'où est-ce qu'on peut considérer qu'une société est prête à accepter ça? Et donc c'est une réflexion intéressante à avoir. Et puis il y a évidemment la question de la militarisation des frontières, qui est moins visible parce que c'est pas comme si on a installé des chars d'assaut aux frontières extérieures de l'Union européenne. Dans la réalité, c'est pas ça. Mais par contre, tout le matériel qui sert à surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, les radars, tout ce qui est haute technologie, les bateaux, les senseurs au niveau des clôtures, les clôtures en elles-mêmes, tout ce qui empêche les gens de passer librement d'un pays à l'autre et de rentrer en Europe particulièrement, c'est fait partie du matériel dit sécurité-défense, qui est du matériel d'armement. Quand on parle de société d'armement, c'est vraiment la façon générale de le dire. En fait, on doit parler de société qui fabrique du matériel sécurité-défense ou du secteur sécurité-défense, c'est plus ça. Parce que ce n'est pas juste des armes, c'est tout ce qu'il y a autour et qui sert à faire de la surveillance, de la répression, etc. Mais il n'y a pas que les balles qui tuent. Ouais. Voilà, et donc ce week-end, c'est vraiment un moment qui permet d'ouvrir cette réflexion-là, qui va plus loin que le fait de préparer des actions, de penser à des actions, et ce qui est très bien à faire, enfin, je veux dire, ce qui est quelque chose que l'on propose et que l'on fait habituellement. Mais ici, on a envie d'avoir une réflexion, de proposer une réflexion plus stratégique sur cette question-là, et dire, en fait, quel est le point faible? Est-ce qu'il y a un point faible? Quel est le point faible? Est-ce que c'est des moments particuliers? Est-ce que c'est des endroits particuliers? Est-ce que c'est des sociétés particulières? Par où est-ce qu'il faut commencer pour envisager le désarmement de la société? Et qu'est-ce que ça, et vers où est-ce que ça pourrait nous emmener? Parce que ça aussi, c'est intéressant. On sait qu'on veut moins d'armes ou pas d'armes, mais alors, quelle société est-ce que l'on veut? Une société sans armes, c'est quoi? C'est une société qui se gère comment? Parce que pour le moment, on est dans une société qui est géré par le monopole de la violence légitime, qui est celui de la police en termes de bras armés de l'État. Mais en fait, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on se gère? Comment est-ce qu'on s'autogère? Et c'est intéressant, je pense, d'avoir ce moment-là de pensée qui va un peu plus loin que les moments d'action qui sont nécessaires et qui sont, qui sont indispensables. Mais il n'y a pas que ça. Donc c'est ce samedi et dimanche. C'est ce samedi et dimanche. À quelle heure? À partir de 11h. Alors les deux, les heures sont sur les heures sont pas exactement les mêmes le samedi et le dimanche. Donc les heures sont sur le site, toutes les infos pratiques sont sur le site d'Agir pour la Paix, ou sur la page Facebook d'Agir pour la Paix pour les gens qui veulent Facebook. La seule chose, c'est gratuit, tout le monde est le bienvenu, absolument tout le monde, sans prérequis de quoi que ce soit. La seule chose que l'on demande c'est aux gens, c'est de s'inscrire, parce que nous ça nous permet de gérer... d'organiser les choses plus facilement, c'est tout. C'est simplement ça. Avec leur nom ou avec leur faux nom ou ce qu'ils veulent, mais ça nous permet d'organiser les choses de façon très pratico-pratique. Voilà. Bah, bonne chance en tout cas pour ce week-end. Merci. On est à 25 minutes. Ça va pour toi, c'est bon ? Oui, oui, oui. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.